un magie, tueur moderne, 97, etc. Écoutez, Kanye. D'avance appelle les secours, trop froid pour Moscou. On tue après les 11 coups, les mots saignent, mi Manson, mi Montaigne, tueur moderne. D'avance appelle les secours, trop froid pour Moscou. On tue après les 11 coups, les mots saignent, mi Manson, mi Montaigne, tueur moderne. Ils les règnent comme des parrains, on comme il irait pas rare. Chez nous, le talent n'est pas rare. Ils nous jettent dans le vide comme des paras. Au-dessus des mines, et si ça pète, bon débarras. On a l'art, ils ont l'or. Et des gueules qui disent braque-moi. Au pignacre, on a la gnaque. On est dur, ils ont le haut comme nos putains de braquemars. Donc ce que valent nos sons, qu'est-ce que t'en sais? Nos traces demain sur le cul de la chanson française. À la soupe, on fera grailler nos troupes. Avec la rage de M.O.P. sur les sons à la snou. Industrie du disque, ferme ta gueule, nous on s'envole. T'as rien dans les genoux, mais lâche-nous. Poupée si t'aimes nos couplets, enlace-nous. Même si t'en as les couilles, remplace-nous. D'avance appelle les secours, trop froid pour Moscou. On tue après les 11 coups, les mots saignent. Mi Manson, mi Montaigne, tueur moderne. D'avance appelle les secours, trop froid pour Moscou. On tue après les 11 coups, les mots saignent. Mi Manson, mi Montaigne, tueur moderne. Le majeur endolori a trop les envoyés se faire mettre. Je retrouve le chemin de leur foume, les yeux fermés. Né mature après quelques fausses couches, j'arrive par l'angle mort avec l'art de la boucherie. Arrache le biberon de leur bouche, ils flippent juste un regard, emmerde leur couche. Tellement c'est dur ici, même si tu réussis, tu vis et meurs, tueur et cible. Fuir est une hérésie, même derrière nos femmes se cachent des assassins en barésie. On traumatise. Qu'est-ce tu résistes? Si t'as les nerfs solides, minimum tu pis solide. J'avoue, je suis un vaurien. J'aime les samples avariés, des sons sans prime et paraboreas. Un mabouille avec pour acolyte. Des anonymes, des anolis alcooliques. Et guerriers, dans nos vers, c'est pas du Perrier. Si vous goûtiez, si vous écoutiez, vous sauriez. On les fait tomber un à un, et puis nos sorbiers. Après la guerre, on mange du sorbet. D'avance appelle les secours. Trop froid pour Moscou. On tue après les 11 coups. Les mots saignent, mi Manson, mi Montaigne, tueur moderne. D'avance appelle les secours, trop froid pour Moscou. On tue après les 11 coups. Les mots saignent, mi Manson, mi Montaigne, tueur moderne. D'avance appelle les secours, trop froid pour Moscou. On tue après les 11 coups. Les mots saignent, mi Manson, mi Montaigne, tueur moderne. D'avance appelle les secours, trop froid pour Moscou. On tue après les 11 coups, les mots saignent, mi Manson, mi Montaigne, tueur moderne.